Ils l'ont remblayé le bassin. C'est un truc de fou. À moins que je le vois vraiment plus petit, qu'il était là. Bah, il est en dessous, ils ont tout remblayé. Ouais, ils ont tout. Ah si, on sent la bordure. Il est là. On sent la bordure. Tu vois, Xavier ? Regarde. Voilà. Donc c'est un grand bassin, comme ça, là, bordure en ciment, donc là il y avait de l'eau avec des grenouilles et tout, c'est beau, les cimetières de souris, tout. Cimetière de souris ? Là, avec Jean-Luc, on enterrait nos souris crevées. Ouais, quand même pas mal. Il a été déjà couché. Je suis déçue pour le bassin, pour votre thème de l'eau. Ici, on avait des manèges, des vrais manèges. Parce que le mari de la dame que vous avez vue, il était un peu comme un géotrouve-tout. Il était très inventif, très. Bricoleur, créatif, et puis une énergie phénoménale. Il nous faisait ces trucs. On avait des manèges. On était privilégiés. On a eu une enfance vraiment très très gâtée, très belle, très libre. Mais 68 ici, là. Non mais ça vous fait rire parce que vous avez 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Un peu plus. Un peu plus, d'accord, mais ça vous fait rire, mais mai 68, vous vous rendez pas compte ce que c'était. Tiens, là, il y a un bout de métal, c'est pas là qu'il y avait ton manège. Non, le manège, non. Bah, regarde, il y a un truc en métal. Non, le manège. C'est un pot, ça, non? C'est un pot. Le manège était là, Xavier. Je l'ai pas. Ici, 68, une année extraordinaire, il faisait beau tout le temps. 4 mois sans école, avec des parents, donc des pôles d'enseignants, ici, là, très à gauche, QG de campagne. Très marqué, petit, mais très marqué par 68. QG de campagne, le monsieur là, il allait chercher des pommes de terre pour qu'on puisse manger parce que les parents n'étaient pas payés, bien sûr. Pendant la grève, il faisait grève. On avait faim. On nous apportait des plaques de chocolat. On partageait. C'était la fête. Ouais, et puis, oh, regarde, ils ont laissé tout boucher ça, alors qu'on faisait du ski. Depuis tout en haut de la montagne, on avait des pistes de ski, tout ça, on redescendait jusque dans la cour à ski par là. Vous n'imaginez pas en fait. Même les arbres ont changé. Ah oui, tout ça, il n'y avait pas d'arbres là. C'était vraiment une grande descente. C'était plus joli. Et puis là, cette maison-là, c'était une colonie de vacances. En fait, il y avait des enfants l'été qui venaient, des enfants du Nord, qui venaient en colonie de vacances. Mais nous, on passait jamais d'été ici. On était des gosses privilégiés. On restait jamais. On partait en vacances tout le temps. Les bourgeois de gauche. Tout ici, c'est pas rural. Enfin, c'est pas la bousule non plus. C'est pas du tout ça. C'est ouvrier. Bon, bah là, il n'y a rien qui... Pas de source. Mais là, la source. Non. Là-haut, il y avait un château d'eau. Ça s'appelle un rocher. En vosgien, on dit un rochat. Ah, c'est pas pareil. Pochat, rochat, faut pas confondre. D'accord. Ah, ça me fait trop rire. Donc une pochette, oui, c'est une louche. Mais un rochat, c'est un rocher. Donc l'Eurotchat était un peu emblématique puisqu'il alimentait. Non, quand même pas toute la commune, je vais raconter n'importe quoi. Enfin, il nous alimentait, au moins l'école. Donc l'Eurotchat, c'était un château d'eau, un réservoir d'eau. Et puis, il y a 2-3 ans, je suis revenue avec Jean-Luc, et l'Eurotchat était toujours là. C'était quelque chose d'important, l'Eurotchat, parce que quand on est petit, c'est un point culminant. Château d'eau. Et puis, comment on dit ? Un château d'eau, oui, mais l'eau, c'est important, c'est comme dans Pagnol. Hein. Donc l'Eurotchat, on y montait, quand on montait au Eurotchat, c'est que vraiment, il y avait quelque chose d'important. Ils l'ont rasé. Je suis une des dernières à avoir gravi le Eurotchat. J'ai une vidéo, je vous l'enverrai. Ça vous intéresse ? C'est Jean-Luc qui l'a fait, le comédien. Elle est bien, il y a 2 ans. Hein. Bon, bref, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est drôle. Regarde, ils ont... Voilà, et moi, je ne l'avais pas vu raser en fait. Un massacre. C'était un promontoire. C'est vrai qu'on avait une vue formidable sur Travexin, c'était beau. Il y avait des vipères, c'était un peu sec au-dessus. On avait deux citrouilles. Ouais, bon, ça ressemble plus à rien. On est désolé hein, que vous arriviez comme ça là. Je suis désolée. J'ai même un peu honte. Des moules. Il y a des gens qui viennent. Non mais regarde. Et ouais, les gens jettent leurs déchets. Là. C'est des fossiles. J'en ai pas pour vous. Donc voilà, le Eurotchat était là. Hein. Ah, c'était là. Toutes ces maisons n'existaient pas. C'est des... pas vu le truc. T'as vu les machins. Là, il y a des gens gentils aussi. C'est des Yougoslaves qui se sont installés ici. Qui sont venus travailler. Comment ? Ils habitent encore là. Oui, ils sont toujours restés. Ils sont venus travailler à l'usine. Et puis ils sont toujours restés. Ils ont acheté une petite maison. C'est adorable. Gentil. Ah bon, ça ressemble à rien. Hein. Ouais, c'est normal, non, c'est normal. Non, c'est absolument normal. Donc, oui, alors le Eurotchat. Vous êtes sur le thème des sources. Le Eurotchat a disparu. Le bassin grenouille. Idem. C'est tout. Les Tempédusies. Voilà. Sur le Eurotchat. Ah non, j'y étais jamais allé. Alors la peinture que ma mère a faite, c'est depuis ici. Ouais. Tu verras l'appartement, Xavier. C'est vrai. Il est toujours. Puis le grenier surtout. Il est rempli de mouches. De mouches. Ouais, de mouches. C'est doux, ouais. Non. Quand on était enfant, on grignotait pas mal d'herbe. Bon, de l'oseille, il y avait de l'oseille, il y avait de l'arbre à pain, on appelait ça des herbes à pain, vous connaissez ? Les herbes à pain, on mangeait aussi les fleurs de pissenlit. On mangeait pas mal d'herbe. Les bonnes, quoi, les nourrissantes. Ramasser l'herbe. Ça s'appelait Robin. Zorro et Robin. On les a tués. On les a mangés. Il y a peut-être une petite source là-haut. Je ne sais pas si elle coule encore.